Chapitre 13. L'abondance des voies du bien. Allah Ta'ala dit: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Et tout ce que vous faites de bien, vraiment, Allah le sait. Sourate 2, verset 215. Et le bien que vous faites, Allah le sait. Sourate 2, verset 197. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Sourate 99, verset 7. Quiconque fait le bien, le fait pour lui-même. Sourate 45, verset 15. Les versets concernant ce chapitre sont nombreux. Quant aux traditions prophétiques, elles sont si nombreuses qu'il est difficile de toutes les mentionner. Nous nous contenterons d'en citer quelques-unes. 117. Abu Dhar Jundub ibn Junada radiyallahu anhu rapporte. Je dis: Ô messager d'Allah, quelle est la meilleure des œuvres? Il répondit: La foi en Allah et le combat pour sa cause. Je dis: Quel est l'esclave dont l'affranchissement est le mieux récompensé? Il dit: Le plus précieux pour ses maîtres et qui a le plus de valeur. Je dis: Et si je ne peux pas? Il dit: Rends service à quelqu'un ou aide celui qui est maladroit. Je dis: Ô messager d'Allah, vois-tu si je ne suis pas capable d'accomplir certaines actions? Il répondit: Épargne ton mal aux gens, c'est une aumône que tu te feras à toi-même. Al-Bukhari et Muslim. 118. D'après Abu Dhar également, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Chaque os et articulation de votre corps est redevable chaque matin d'une aumône. Chaque tasbih, dire Subhanallah, gloire à Allah, est une aumône. Chaque tahmid, Alhamdulillah, louange à Allah, est une aumône. Chaque tahlil, dire La ilaha illallah, il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, est une aumône. Chaque takbir, dire Allahu Akbar, Allah est le plus grand, est une aumône. Ordonner le bien est une aumône. Interdire le mal est une aumône. Et il vous suffit, à la place de tout cela, d'accomplir une prière de deux raka'a dans la matinée. Muslim. 119. Selon Abu Dhar, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: On m'a présenté les bonnes et les mauvaises actions de ma communauté. J'ai trouvé parmi ces bonnes actions le fait de retirer de la voie publique ce qui pourrait nuire aux passants, et parmi ces mauvaises actions, de ne pas enterrer son crachat sous la terre de la mosquée. Muslim. 120. D'après Abu Dhar, radiyallahu anhu, des gens interrogèrent le prophète, alayhi salatu wassalam. Ô messager d'Allah, les riches ont accaparé les récompenses d'Allah. Ils accomplissent la prière comme nous, jeûnent comme nous, et en plus, ils font l'aumône avec l'excédent de leur richesse. Il leur répondit: Allah n'a-t-il pas mis à votre disposition de quoi faire l'aumône? En effet, chaque tasbih, dire gloire à Allah, subhanallah, est une aumône. Chaque takbir, dire Allah est le plus grand, Allahu Akbar, est une aumône. Chaque tahmid, dire louange à Allah, alhamdulillah, est une aumône. Chaque tahlil, dire il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, « La ilaha illallah » est une aumône. Ordonner ce qui est convenable est une aumône. Interdire ce qui est blâmable est une aumône. Et même dans chacun de vos rapports avec vos épouses, il y a une aumône. Les compagnons dirent: « Ô messager d'Allah, l'un d'entre nous prend du plaisir et en plus, il en est récompensé ?» Il, alayhi salatu wassalam, répondit: « Imaginez qu'il ait eu des rapports illégitimes. » N'aurait-il pas commis un péché? Eh bien, de la même manière, il est récompensé lorsqu'il a des rapports légitimes. Muslim. 121. D'après Abu Dhar, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui a dit: Ne méprise surtout aucun bienfait, pas même le fait d'accueillir ton frère avec un visage souriant. Muslim. 122. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Chaque os et articulation de votre corps et redevable d'une aumône chaque jour qu'Allah fait. Juger équitablement entre deux personnes est une aumône. Aider quelqu'un à prendre place sur sa monture ou lui tendre ses affaires une fois qu'il s'y est installé est une aumône. Une bonne parole est une aumône. Chaque pas fait en direction de la mosquée pour la salat est une aumône. Retirer de la voie publique ce qui pourrait nuire aux gens est une aumône. Al-Bukhari et Muslim. Muslim rapporte également ce hadith selon Aïcha radiallahu anha qui a dit « Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit « Tout homme est créé avec 360 articulations. Quiconque exalte la grandeur d'Allah, le loue, atteste de son unicité, le glorifie, implore son pardon, retire une pierre, des ronces ou des os de la voie publique, ordonne ce qui est convenable et interdit ce qui est blâmable, le tout 360 fois, ce sera ce jour-là éloigné de l'enfer. » 123. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui se rend, le matin ou le soir, à la mosquée, Allah lui prépare au paradis pour chacun de ses déplacements le meilleur des accueils réservés à un hôte. » Al-Bukhari et Muslim. 124. Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Ô femme musulmane, que l'une d'entre vous ne dédaigne pas faire un cadeau à sa voisine, ne serait-ce qu'un pied de mouton. » Al-Bukhari et Muslim. 125. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « La foi comporte plus de 70 branches. La plus élevée est l'attestation qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, et la moindre consiste à écarter de la voie publique ce qui pourrait nuire aux gens. La pudeur est l'une des branches de la foi. » Al-Bukhari et Muslim. 126. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Alors qu'un homme marchait sur une route, il eut très soif. Il trouva un puits dans lequel il descendit pour y boire de l'eau. En remontant du puits, il vit un chien haletant et mangeant de la terre humide tellement il avait soif. L'homme se dit « Ce chien est aussi assoiffé que je l'étais précédemment. » Il redescendit dans le puits, remplit sa chaussure d'eau, remonta en la tenant par la bouche et abreuva le chien. Allah l'en récompensa et lui pardonna. Les compagnons demandèrent « Ô messager d'Allah, avons-nous donc une récompense pour nos bienfaits envers les animaux ?» Il, alayhi salatu wassalam, répondit « Tout bienfait envers tout être vivant est récompensé. » Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version d'Al-Bukhari, Allah l'en récompensa en lui pardonnant ses péchés et en le faisant entrer au paradis. Dans une autre version d'Al-Bukhari et Muslim, alors qu'un chien tournait autour d'un puits, mourant de soif, une prostituée des tribus d'Israël le vit. Elle ôta sa chaussure, la remplit d'eau et l'abreuva. Grâce à cet acte, ses péchés lui furent pardonnés. 127. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « J'ai vu un homme jouissant des délices du paradis pour avoir arraché un arbre qui gênait le passage des musulmans. » Muslim. Dans une autre version, un homme passa devant un arbre dont une branche gênait le passage. Il se dit « Par Allah, je vais arracher cette branche pour qu'elle ne nuise pas aux musulmans. » Pour ce geste, il entra au paradis. Dans une autre version d'Al-Bukhari et Muslim, alors qu'un homme marchait, il trouva des ronces sur la route et les retira. Allah l'en récompensa en lui pardonnant ses péchés. 128. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Quiconque effectue ses ablutions avec soin va assister à la prière du vendredi et écoute le prêche en silence, se voit pardonner ses péchés commis depuis le précédent vendredi et en y ajoutant 3 jours. Quant à celui qui joue avec le gravier pendant le prêche, il se sera laissé distraire par des futilités. » Muslim. 129. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: lorsque le musulman ou le croyant effectue ses ablutions et se lave le visage, tous les péchés commis avec ses yeux s'en vont avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. Lorsqu'il se lave les mains, tous les péchés commis avec ses mains s'en vont avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. Lorsqu'il se lave les pieds, tous les péchés commis avec ses pieds s'en vont avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau, jusqu'à ce qu'il en sorte pur de tout péché. Muslim. 130. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: entre les cinq prières quotidiennes, la prière du vendredi, Jumu'ah, à la suivante, le jeûne du mois de Ramadan au suivant, tous les péchés sont effacés, à l'exception des péchés majeurs. Muslim. 131. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: voulez-vous que je vous indique des œuvres par lesquelles Allah efface vos péchés et vous élève en degré? Oui, ô messager d'Allah, répondirent les compagnons. Il, alayhi salatu wassalam, dit: accomplir les ablutions avec soin, malgré les désagréments. Multiplier les pas vers la mosquée et y attendre la prière suivante, ceci équivaut à monter la garde pour protéger les musulmans de l'ennemi. 132. D'après Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: celui qui accomplit al-Bardain, la prière du Fajr et celle du Asr, entrera au paradis. 133. D'après Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: lorsque le serviteur d'Allah tombe malade ou part en voyage, Allah lui inscrit la récompense des œuvres qu'il avait l'habitude d'accomplir avant son voyage ou lorsqu'il était en bonne santé. Al-Bukhari. 134. D'après Jabir, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: toute bonne action et tout service rendu sont des aumônes. Al-Bukhari. Muslim rapporte ce hadith selon Hudhayfa, radiallahu anhu. 135. Selon Jabir, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: nul musulman ne plante un arbre sans qu'il lui soit inscrit une aumône pour chaque fruit mangé, pour chaque fruit volé ou pour chaque détérioration qu'il subit. Muslim. Dans une autre version de Muslim, le musulman ne plante pas un arbre dont mange un homme, une bête ou un oiseau sans que cela lui soit inscrit comme une aumône jusqu'au jour de la résurrection. Dans une autre de ces versions, le musulman ne plante pas un arbre, ni ne sème une graine dont mange un être humain, une bête ou autre, sans que cela lui soit inscrit comme une aumône. Al-Bukhari et Muslim, selon un récit de Anas. 136. Jabir, radiallahu anhu, rapporte: les Bani Salima souhaitèrent emménager près de la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, ce qui parvint aux oreilles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wassalam, qui leur dit: j'ai appris que vous vouliez vous rapprocher de la mosquée. En effet, ô messager d'Allah, reconnurent-ils. Ô Bani Salima, dit-il, conservez vos maisons, car chaque pas en direction de la mosquée vous est inscrit en récompense. Il le répéta à deux reprises. Muslim. Dans une autre version de Muslim, car chaque pas vous élève en degré. Al-Bukhari rapporte également un hadith équivalent d'après Anas, radiallahu anhu. 137. Abu al-Munzir Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, rapporte: un homme dont la maison était à ma connaissance la plus éloignée de la mosquée ne manquait malgré cela aucune des prières en commun. On lui dit, ou je lui dis: pourquoi n'achètes-tu pas un âne que tu monterais dans l'obscurité de la nuit ou par grande chaleur? Il répondit: je ne voudrais pour rien au monde habiter près de la mosquée, car je souhaite être récompensé pour les pas qui me mènent à la mosquée et qui me ramènent vers ma famille. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit: Allah a effectivement réuni tout cela pour toi. Muslim. Dans une autre version: tu as en effet obtenu tout ce que tu as espéré. 138. Selon Abu Muhammad, Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Il y a 40 bonnes actions, dont la plus méritoire consiste à prêter une chèvre à quelqu'un pour qu'il profite de son lait. Nul n'accomplit l'une de ces bonnes actions tout en espérant sa récompense et en croyant à ce qui lui a été promis, sans qu'Allah le fasse entrer grâce à elle au paradis. » Al-Bukhari. 139. Adi ibn Hatim, radiallahu anhu, rapporte avoir entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, dire « Préservez-vous de l'enfer, ne serait-ce que par la moitié d'une date, offerte ou donnée en aumône. » Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version d'Al-Bukhari et de Muslim, d'après Adi également, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Votre Seigneur parlera à chacun d'entre vous sans interprète le jour de la résurrection. Vous regarderez à votre droite et ne verrez que les actions que vous avez avancées. Vous regarderez à votre gauche et ne verrez que les actions que vous avez avancées. Et vous regarderez devant vous et ne verrez que le feu devant votre visage. Protégez-vous donc du feu, ne serait-ce que par la moitié d'une date, offerte ou donnée en aumône, et que celui qui n'en trouve pas se contente de dire une bonne parole. » 140. D'après Anas, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Allah est satisfait de son serviteur qui, après avoir mangé ou bu, le loue. » Muslim. 141. D'après Abu Moussa, radiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Chaque musulman est redevable d'une aumône. » S'il n'en a pas les moyens, demanda-t-on, qu'il travaille de ses mains pour son propre bien et pour faire l'aumône, répondit-il, alayhi salatu wassalam. S'il en est incapable, qu'il aide le nécessiteux en difficulté, dit-il, alayhi salatu wassalam. S'il en est également incapable, qu'il recommande le bien, répondit-il, sallallahu alayhi wasallam. S'il ne le fait pas, qu'il s'abstienne alors de faire du mal, car c'est aussi une aumône, conclut-il, alayhi salatu wassalam. Al-Bukhari et Muslim.